Le manège de Centre-Ville d'Aix-en-Provence. Je pense à Piaf qui chante mon manège à moi, c'est toi. Mais toi, t'es où? Je te vois pas.